Kila Lokondo record pogulia bien Lucas est son viseur et vieux na classe pas voilà Lucas pe chambre à elle et puis les après la clique à bâton à vidéo à foufou ah Patrick est bon Kutu na mwika mbaga di Frensa Gomez Kutu kote kambaga di Mbuyo ya Chantal Louemba, Ted Sendai, Lucien Ibata, Eric Noble, Club Cléopâtre à Wendé, Awanja, le conseiller spécial, Sylvanie, Gaïa, Joseph Mélon, William Baïde Gerka, Blanchard Londolé, Marie-Christine Pepa, MCP, Salut, et à Milan à Kantiatier.